papa. Pour 2006, braquage, focal. Tu m'as foncé, j'arrive en puissance. Ça vient d'Argenteuil et c'est le premier bombardement. Tu m'as foncé, j'arrive en puissance. Pour ma ville et ses brigands, bordel de merde. Tu m'as foncé, j'arrive en puissance. Tu pourrais rapper en direct de la CJPLO. Tu m'as foncé, j'arrive en puissance. FOMC a plus de boulot. Le 9-5 est sur ton dos. Tu m'as foncé, j'arrive en puissance. C'est pas fait non. Et je te boite le cul sur l'intro. Pas